السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور، حياكم الله. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on continue l'explication des paraboles du Coran. Et par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, hier, on avait expliqué deux paraboles parmi les paraboles qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a mentionnées dans son noble livre. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire l'explication d'une parabole. Et cette parabole, elle se trouve dans le verset 28 de Sourate Ar-Rum, Sourate les Byzantins. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Daraba lakum mathalam min anfusikum, هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction rapprochée: Allah vous propose une parabole tirée de vous-même. Partagez-vous à part égale ce que nous vous avons attribué avec ceux qui sont sous votre joug. Craignez-vous de partager avec eux comme vous craignez vos semblables? Ainsi nous exposons clairement les signes pour ceux qui raisonnent. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet des polythéistes et des associés qu'ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala. Car les associés, ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, car les polythéistes, ils ont donné des associés à Allah dans l'adoration. Ils les invoquent comme on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils placent leur confiance en eux comme on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il nous dit selon la traduction, Allah vous propose une parabole tirée de vous-même. C'est-à-dire une parabole que vous connaissez. Une parabole que vous comprenez et qui est proche de vous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, partagez-vous à part égale ce que nous vous avons attribué avec ceux qui sont sous votre joug. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les polythéistes. Car en vérité, cette interrogation ici est un blâme. Allah subhanahu wa ta'ala blâme les polythéistes dans le fait qu'ils lui ont donné des associés. Et dans le Coran, ceci est très fréquent, que l'interrogation a le sens du blâme. Allah subhanahu wa ta'ala va par exemple poser une question alors que la réponse est connue. Tout ceci dans le but de blâmer les auteurs de cette action. Et les savants, ils nous ont donné un moyen pour savoir quand est-ce qu'on peut savoir que l'interrogation a le sens du blâme. Ils nous disent que c'est lorsque tu as une phrase donc qui est interrogative et que tu enlèves la particule interrogative de cette même phrase. Et après que tu aies enlevé cette particule, le sens de la phrase n'est pas correct et impossible. Donc ici, on va expliquer un peu ce que les savants ils ont mentionné. Donc prenons la phrase par exemple, tu dis en arabe « Hel Zaidun fil Bayt ».« Hel Zaidun fil Bayt ». On traduit ça par « Est-ce que Zaid est à la maison ?» Donc ici, cette phrase elle est interrogative. Donc essayons d'enlever la particule interrogative qui ici est dans la phrase en arabe « Hel ». Donc « Est-ce que ?» Et ensuite de voir si le sens de la phrase est correct. Donc après qu'on a enlevé la particule interrogative de cette phrase, la phrase elle devient « Zaidun fil Bayt ». Alors qu'avant c'était « Hel Zaidun fil Bayt ». Avant donc en français c'était « Est-ce que Zaid est à la maison ?» Une fois qu'on a enlevé la particule, ça devient « Zaid est à la maison ». Donc ici, le sens de la phrase, il reste correct et possible. Donc ici, dans cette phrase-là, l'interrogation n'a pas le sens du blâme. Par contre, prenons un autre exemple. Prenons comme exemple le verset 63 de Sourate An-Naml, de Sourate les fourmis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « A ilahumma Allah, ta'ala Allahu amma yushrikun ». Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction rapprochée de ce verset, « Est-ce qu'il y a une divinité avec Allah ? Allah est bien au-dessus de ce qu'ils associent. » Donc ici, dans ce verset, lorsqu'Allah il dit, « A ilahumma Allah, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah ?» Si tu enlèves la particule d'interrogation, le sens de la phrase va être il y a une divinité avec Allah. Et cela est impossible, est incorrect. Donc ici, on a vu que lorsqu'on a enlevé la particule d'interrogation, le sens a totalement changé. Et il est devenu impossible, est incorrect. Donc dans ce verset-là, l'interrogation a le sens du blâme. Tout comme le verset qu'on a mentionné dans cette parabole. Donc ici, dans ce verset, cette interrogation est dans le but de blâmer les mécréants, dans le fait qu'ils adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit, partagez-vous à part égale ce que nous vous avons attribué avec ceux qui sont sous votre joug. Et le sens de cette phrase est vous n'agrez pas qu'un de vos esclaves soit votre associé. Vous n'acceptez pas, vous n'agrez pas qu'un de vos esclaves soit votre associé dans ce que vous possédez comme bien, qu'il utilise vos biens comme vous les utilisez. Alors que ce sont des créatures comme vous. Alors comment pouvez-vous associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration? Subhanallah. Celui qui possède un esclave n'agrée pas qu'il soit son associé dans ses biens. C'est-à-dire qu'il partage ses biens de manière égale avec lui. Pourtant, c'est une créature comme lui. C'est pour cela qu'en général, ou souvent, ceux qui possèdent un esclave, ils ne le logent pas chez lui, de peur qu'il prenne certains biens et ne lui donne pas l'accès à certains endroits, à certaines pièces de la maison. surtout s'il y a des objets de valeur. Mais malgré ça, il ne trouve aucun mal à donner des associés à Allah. Alors que lui-même n'aime pas cela pour lui. Alors que lui-même n'aime pas ça pour lui. Et n'agrée pas ça pour lui. Et déteste ça pour lui. Et ce genre de phénomène, c'est une chose récurrente chez les polythéistes. C'est-à-dire qu'ils attribuent des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'eux-mêmes n'aiment pas cela. Par exemple, les polythéistes de Quraysh détestaient avoir des filles. Ils répugnaient cette chose jusqu'à ce qu'ils enterrent vivantes leurs filles. Donc à l'époque pré-islamique. Malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 149 à 153 de sourate Saffat, donc de sourate l'Iran, فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée, demande-leur, ton Seigneur, aurait-il des filles et eux des fils? Avons-nous créé en leur présence des anges féminines? Ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré, ce ne sont que des menteurs. Aurait-il préféré s'attribuer des filles plutôt que des fils? Donc ensuite, dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon le sens, craignez-vous de partager avec eux comme vous craignez vos semblables? Donc ici, l'interrogation, elle a le sens de la négation. Et donc le sens de la phrase est, vos esclaves ne sont pas vos associés. Alors comment pouvez-vous prendre des serviteurs comme associés? Et ceci est clair, car si l'esclave que tu possèdes n'est pas ton associé dans tes biens, alors que ceci t'appartient et cela est propre à toi, comment peux-tu donner à Allah des associés dans ce qui lui est propre, tel que l'adoration? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, ainsi nous exposons clairement les signes pour ceux qui raisonnent. Ainsi nous exposons clairement les signes pour ceux qui raisonnent. Et ici, il y a une question qui se pose. Car Allah subhanahu wa ta'ala a exposé clairement ces signes. Et ceci pour tout le monde. Que ce soit ceux qui raisonnent ou ceux qui ne raisonnent pas. Donc pourquoi alors Allah spécifie ici qui ne raisonne? C'est-à-dire donc pourquoi Allah alors il a spécifié ici dans le verset, nous exposons clairement les signes pour ceux qui raisonnent, alors que ces signes ils sont exposés pour ceux qui raisonnent et aussi pour ceux qui ne raisonnent pas. Donc l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit en réponse à cette question. Il dit, je cite, « Car ceux qui raisonnent sont ceux qui profitent de cet exposé. » Ensuite, il dit, « Tout comme Allah a caractérisé le Coran comme étant une guidée pour les pieux. » Et dans d'autres versets, que le Coran est une guidée pour les gens en général, Car d'un point de vue de la guidée absolue, ceci est pour tout le monde. Mais d'un point de vue d'en tirer profit, c'est-à-dire de tirer profit de la guidée, ceci est particulier et Allah est le plus savant. Fin de citation de la parole de l'éminent savant, Cheikh Salih Al-Uthaymeen. Donc après avoir fait l'explication de cette parabole, nous allons mentionner certains enseignements. Donc le premier enseignement, c'est la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers ses créatures. Car Allah leur mentionne des paraboles dans son noble livre pour qu'ils arrivent à la guider complète. Donc ceci est le premier enseignement. Donc le deuxième enseignement, la clarté du Coran. La clarté du Coran, car il expose clairement les signes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ » Ainsi nous exposons clairement les signes. Et dans cela, donc dans la clarté donc du Coran, donc dans cela, il y a une indication pour les prêcheurs, les imams de mosquées et pour toute personne qui appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran est clair, comme nous l'avons mentionné au préalable. Et donc, si tel est le cas, celui qui appelle les gens à cette religion doit être clair et doit faire preuve de clarté. Sa croyance doit être claire. Sa méthodologie doit être claire. Son prêche doit être clair. Son entourage doit être clair. Ses positions doivent être claires, car le Coran est clair et appelle à la clarté. C'est pour cela que vous allez trouver que les gens de la Sunna, les gens qui suivent le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, vous allez trouver que ce sont des gens clairs. Ils n'ont rien à cacher, car la clarté est l'un de leurs signes. Si tu veux reconnaître une personne, et si tu veux savoir est-ce que cette personne fait partie des gens de la Sunna ou non, alors regarde si cette personne est claire. Alors, si tu trouves que cette personne est claire, alors sache qu'il fait partie des gens de la Sunna, Inch'Allah, car la clarté est un signe des gens de la Sunna. Lorsqu'ils appellent au Tawhid, ils sont clairs. Ils appellent au Tawhid avec clarté. Et ils appellent au Tawhid dans les détails. Au contraire, de beaucoup de sectes qui, lorsqu'elles appellent au Tawhid, elles ne le font pas dans les détails. Elles appellent au Tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière très générale, sans rentrer dans les détails, pour ne blesser personne, comme ils disent. Et ceci est un manque de clarté. Ceci est un manque de clarté évident pour celui qui raisonne. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande le secours. Le troisième enseignement est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance. Malgré cela, la subsistance n'est pas une acquisition, mais plutôt c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la subsistance a des causes. Parmi ceux-ci, les causes que tout le monde connaît, comme par exemple chercher du travail et tout ce que les gens connaissent pour être comme des causes. Et d'autres d'autres causes que beaucoup de gens ignorent, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 10 à 12 de sourate Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner à ceux qui se repentent. Ainsi, il vous enverra des pluies abondantes, accroîtra vos biens et le nombre de vos enfants, et vous accordera des jardins et des rivières. L'éminent savant, Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, dans son livre intitulé Adwa Al-Bayan, concernant le tafsir de ce verset, il nous dit, et ceci prouve que la demande de pardon, le repentir et les œuvres pieuses peuvent être une cause pour faciliter la subsistance. Fin de citation. Et ce que Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti a mentionné dans le tafsir de ce verset font partie des causes aussi concernant la subsistance. Car souvent, lorsque les gens cherchent la subsistance, ils se concentrent sur les causes que tout le monde connaît, comme le fait de chercher du travail, comme le fait de demander à son entourage du travail ou ce genre de choses. Mais beaucoup de gens oublient les causes qu'on a mentionnées précédemment, comme le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de se repentir à Allah, comme le fait de faire des œuvres pieuses en général, et comme certains savants l'ont mentionné, le fait d'étudier la science. Tout ceci sont des causes et peuvent être des causes pour faciliter la subsistance de la personne. Et le quatrième enseignement est que les mécréants attribuent souvent des choses à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils les détestent pour eux-mêmes, comme dans la parabole que nous venons de voir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cela dans le verset 62 de sourate An-Nahl, donc sourate les abeilles, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. Allah, il dit, selon la traduction rapprochée, ils attribuent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc par la grâce d'Allah, on a fini l'explication de cette parabole. Et demain, incha'Allah ta'ala, on continuera avec l'explication de deux autres paraboles. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Donc, incha'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah, les cours donc des paraboles du Coran et aussi les autres cours du séminaire, ils seront bientôt disponibles donc sur notre site internet, incha'Allah. Je pense que demain ou après-demain, ils seront disponibles pour ceux qui ont raté certains de ces cours. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan, subhanakallahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.